En tout genre, du lundi au vendredi. CKRL vous propose une série d'émissions sur des sujets variés, animés par des spécialistes et des passionnés. L'Aérospatiale est le seul magazine radio entièrement dédié à l'univers des arts visuels à Québec. Jean-Tiane Lafrance anime cette émission en compagnie d'une équipe de collaborateurs. Chroniques, entrevues, reportages, capsules, revues de presse et tables rondes vous font découvrir sous toutes ses facettes les arts visuels à Québec. Communication, culture. Bonsoir, chers auditeurs et chères auditrices. Vous êtes à l'écoute de l'Aérospatiale. C'est votre magazine radiophonique consacré entièrement à l'univers des arts visuels à Québec. On est toujours sur les ondes de CKRL 89.1 et on a une belle émission bien chargée. Tout d'abord, on va commencer avec un entretien avec Émilie Bernard qui expose actuellement à la galerie d'Engram une exposition qui s'intitule Jardin. Donc, ça vient avec le printemps. On va avoir l'occasion d'en parler là, dans quelques instants avec l'artiste en personne. Ensuite, il y a Tania Morand qui vient nous parler de son exposition Spin Plaza qui est présentée à partir de demain à la Galerie A. Donc, j'ai eu l'occasion tout à l'heure d'aller voir l'exposition dont le montage était presque terminé et d'échanger quelques mots avec l'artiste. Donc, on va pouvoir continuer cette conversation ici en studio dans vos oreilles. Et en deuxième partie d'émission, deux chroniqueuses que ça fait trop longtemps qu'on n'a pas entendu. On a d'abord Sophie Lessard, La Tendresse, qui va venir nous parler de l'exposition De Nature et d'Infini, qui est une exposition de Lauréat Marois, qui va débuter à partir de dimanche à la galerie Michel Guimond. Et ensuite, c'est Delphine Aguesbar qui va venir nous rejoindre pour nous parler des expositions qui ont cours à vue. L'exposition Main sur coude A de Laila Mestari et Two Old Friends Play Chess de Kromogenic Kermogians. Des mots faciles à dire. Donc, on va en parler plus en profondeur avec Delphine à la toute fin de l'émission. Mais d'abord, on va écouter la proposition musicale de Simon Roy cette semaine. C'est un groupe néerlandais qui est composé de musiciens qui sont d'origine ou de descendance turque. Un groupe qui s'appelle Alten Gün, qui fonde dans le rock anatolien, en allant puiser dans les racines folkloriques de l'Anatolie, mais qui le réinvente à la saveur psychédélique rock, donc une musique assez explosive, funky et transcendante. Alors, je vous laisse avec un extrait de Yol. Dünyaya gönül verdin mi? şey dünyaya gönül verdin mi? Bonsoir, Émilie Bernard. Bonsoir. Émilie Bernard, tu es une artiste de Québec, originaire de la Gaspésie, mais bon, ça fait longtemps que tu es ici. Tu étudies à l'Université Laval et jusqu'à la maîtrise. Oui. Oui, c'est ça. Et en ce moment, tu exposes l'exposition Jardin dans la galerie d'Engram. C'est une exposition, on en parlait un petit peu pendant la pièce musicale, qui renouvelle assez subitement ta pratique. Oui, tout à fait. Oui. Parce qu'il y a des premières fois. Il y a une première fois pour la sérigraphie. J'en avais déjà fait, mais ça faisait très longtemps. Okay. C'est la première fois que je faisais un projet d'exposition en sérigraphie. J'avais fait un petit projet il y a quelques années. Sinon, j'avais fait le cours de sérigraphie pendant mon bac, mais il y a plus de 15 ans. Donc, C'est quand même étonnant parce que l'accumulation, la superposition, ça fait partie de ton travail. Oui. Puis on dirait que c'est comme naturel de penser à la sérigraphie. Oui. Puis là, c'est maintenant que tu y arrives. Qu'est-ce que ça apporte à ton travail d'aller vers ce médium-là? Ben, t'as raison de dire que ça faisait déjà partie de mon travail. Puis c'est en réalisant ça que j'ai décidé de proposer un projet en sérigraphie, une installation en sérigraphie chez Engram. Sinon, j'avais jamais rien proposé parce que je fais pas de l'estampe. Puis qu'est-ce que ça apporte? Ben, ça m'apporte des nouvelles idées pour des dessins que je pourrais, parce que parfois j'ai des idées de grandeur. J'ai envie de faire des très grands dessins, mais comme tous les dessins que je fais sont très longs à faire, je me dis que je pourrais intégrer la sérigraphie, faire une espèce de, je pourrais tricher un petit peu en imprimant plutôt qu'en dessinant, Ouais. L'exposition s'appelle Jardin. Le titre de travail, c'était La Serre. Ouais. Ça reste dans le même terme. Oui. Pourquoi ce changement de titre? La Serre, pour moi, c'était un titre de travail, puis ça venait. Tout portait autour de l'espace de présentation. Qui est tout vitré, oui, en fait. En là, j'ai bloqué un mur pour avoir justement un espace mural pour accrocher des œuvres au mur. Mais sinon, cet espace-là m'a toujours fait penser à une serre, justement. Puis, comme je travaille déjà les végétaux depuis un certain temps, mais j'ai décidé de proposer ce projet-là qui était tout à fait d'actualité dans ma démarche, puis qu'en plus c'était vraiment une installation in situ là, qui était adaptée au lieu. Puis pourquoi le changement de titre? Ben, je trouvais que ça manquait un petit quelque chose. J'aimais pas la serre. Je trouvais pas ça beau vraiment. Comme Je sais pas, c'est vraiment une question esthétique. De la manière dont ça sonne dans la bouche, ouais, de ce que ça évoque. Exactement, oui. Et jardin, il est au pluriel. Ouais. Donc, on pense à serre, on pense à jardin. Tu t'inspires depuis très longtemps dans ta pratique des végétaux, de ton observation de la nature, du monde végétal. Est-ce que c'est une tangente à te tourner peut-être plus vers des plantes qui sont de nature domestique dans ta pratique, d'aller vers le jardin, la serre ou... J'avais pas pensé à ça, mais en fait, toutes les plantes que j'ai utilisées pour faire les dessins puis qui se retrouvent dans l'exposition, c'est toutes des fleurs sauvages. Ah, ouais. Donc, c'est comme si j'avais créé mon propre jardin ou mes propres jardins. C'est de les domestiquer, les intégrer dans l'installation, ouais, en quelque sorte, ouais. Ça pourrait être des jardins sauvages aussi, tout simplement. Là. Oui. Je vois pas ça nécessairement comme quelque chose de domestique, mais plus comme un ensemble d'éléments qui créent un tout, puis le tout, c'est des jardins, finalement. Et on est habitué dans un travail à des teintes très subtiles, à beaucoup plus de pastels, de nuances très, très subtiles. Mm-hmm. Et là, tu nous proposes beaucoup de roses assez vifs dans cette exposition-là. D'où ça te vient d'avoir envie de travailler avec des couleurs vives? Est-ce que c'est la sérigraphie qui t'a amené à ça? Oui. Ou c'est... Oui, carrément? Oui, bien... toutes les couleurs que j'ai utilisées, c'est des mélanges que j'ai fait avec des couleurs de base. Mm-hmm. Mais il y a un rose fluo qui se retrouve à quelques endroits dans l'exposition. Ça, c'est une encre à sérigraphie achetée telle quelle. Puis quand j'ai vu le pot d'encre, je suis tombée en amour avec. Puis j'ai jamais eu une tendance rose fluo. Puis pareil, pour j'ai utilisé une autre teinte de rose qui est comme fuchsia. Puis là, même chose, c'est pas une couleur avec laquelle je travaille habituellement, mais j'avais envie, parce que c'est ça, habituellement je travaille plus en dessin des gris, oui. Ça, le graphite, oui. Toutes les teintes de graphite, puis des couleurs, c'est ça, très très subtil, mais là j'avais envie que de l'extérieur, tu sais, grâce aux fenêtres, oui. On soit attiré à regarder à l'intérieur, puis il fallait qu'il y ait des couleurs plus vives aussi, mm-hmm. pour ça, là, ouais. Donc, puis le rose en même temps, parce que là, c'est pour expliquer un peu, dans ton travail, on retrouve des silhouettes, beaucoup. Donc, mm-hmm. c'est comme des ombres ou des silhouettes, mm-hmm. de végétaux. Et donc, c'est pas seulement que la fleur qui est rose, mais c'est l'ensemble de l'extrait de plantes. On irait plus naturellement vers le vert, mm-hmm. alors que là, tu choisis le rose. C'était comme une volonté d'y aller en contraste, de sortir de la représentation plus littérale. Il y a ça, oui, mais aussi... Dès le départ, je pense que la première chose que j'ai choisie avant de commencer à produire l'exposition, c'est les couleurs que je voulais que l'exposition, mm-hmm. ait. Tu sais, je voulais pas partir dans tous les sens, puis qu'à la fin, il y ait tellement de couleurs qu'on en soit étourdi. Donc, je me suis arrêtée. J'ai fait des tests avec des crayons de bois. J'ai une panoplie de crayons de bois chez moi, toutes les couleurs que j'aime. Fait que j'ai fait des tests juste en crayonnant, puis je me suis arrêtée sur une espèce de vert sauge, un vert forêt, mm-hmm. un rose, puis un ocre. Mm-hmm. Ça, c'était... Puis du doré. Ça, c'était mes cinq couleurs prédominantes. Donc, avec la palette. J'ai commencé avec la palette de couleurs. Mm-hmm. Oui, c'est la première fois que je faisais ça aussi. Ben, justement, parce que je savais que la couleur allait être présente. Puis sinon, ben oui, je voulais pas rester dans les stéréotypes. OK, une fleur, c'était couleur, tu sais, les herbes, c'est vert. Oui. Bon, fait que c'était pas important pour moi de... Puis je voulais pas non plus rester dans les couleurs fidèles. Je voulais pas que les couleurs soient fidèles à la plante d'origine, ouais. non plus. Donc, ouais. donc, une volonté un peu d'abstraction, ouais. si on ouais. veut, à quelques pas. Mm. Et pour terminer l'entrevue, une dernière question. Émilie Bernard, t'es vraiment une habituée des résidences. Oui. T'en fais une ou deux par année quand même. En moyenne, oui. Tes dernières résidences, c'était à Banff, à Bordeaux, en mm-hmm. France. Comment on peut voir à quel point ces dernières résidences-là ont forgé ta pratique dans cette exposition-là? Dans cette exposition-ci, on retrouve des recherches de trois résidences. Donc, okay. les deux que tu viens de nommer, oui. à Banff puis à Bordeaux, qui Islande. Étaient l'année dernière, puis celle que j'ai faite en 2015 en Islande. Donc, c'est vraiment... Puis tu sais, quand j'ai fait de la résidence en Islande en 2015, là, tu sais, je savais pas que j'aurais une exposition 4 ans plus tard, Jean Gram, là. Donc, c'est tous des éléments de recherche que je suis allée rechercher mm-hmm. pour composer l'exposition. Donc, ouais. une espèce de synthèse ouais. de ces recherches que mm-hmm. tu as faites dans ces trois résidences-là. Mais merci beaucoup, Émilie Bernard. Ça me fait plaisir. Pour ce bel entretien. C'est présenté à la galerie de Engram jusqu'au 9 juin. Et nous, on part pour une pause musicale avec Vaille Dunia, toujours de Altingen. Et au retour, c'est Tania Morand qui vient nous parler de son exposition à la galerie 3A. Alors, nous sommes toujours à l'aérospatiale et j'ai avec moi en studio Tania Morand. Bonsoir. Allô. Tania Morand, t'es en préparation, là. C'est les derniers milles pour une exposition qui débute demain. J'ai eu le plaisir d'aller vous voir, Anne Damour et McDonald et toi, à la Galleria tout à l'heure en préparation de l'exposition. Ce n'est pas un nouveau corpus que tu présentes. Tu l'as déjà présenté, mais tu le présentes dans un nouvel espace, plus caché, je dirais, plus intime aussi. Qu'est-ce que tu trouves que ça donne à ce corpus-là d'être présenté dans cet espace qui est différent que celui qu'on retrouvait à la bibliothèque à Beauport? Est-ce que tu me rappelles? C'était la salle Jean-Paul Lemieux. Oui, la salle Jean-Paul Lemieux à Beauport. Oui. Alors, comment tu trouves que ça apporte un nouveau regard sur ce corpus-là? Mais je trouve que vu qu'il y a beaucoup moins des œuvres, que l'espace est plus petit, mm-hmm. qu'on a beaucoup plus de focus sur les œuvres. Oui. Donc, en fait, on peut les apprécier d'une façon plus intime, plus proche. Oui. Les murs aussi sont très blancs. C'est un espace qui est très lumineux comparé à la salle à Beauport qui était très différente. Donc, ça donne un regard de plus proche et plus intime, je trouve. Ouais. Et ton travail est dans la peinture principalement. Tu présentes également une sérigraphie dans l'exposition. Donc, tu travailles la peinture, la sérigraphie. Mais à la base, c'est de la photographie que tu fais pour te rendre à ces œuvres-là. Est-ce que tu peux nous parler de la manière dont la photographie habite ta pratique? Oui, ça m'habite d'une façon presque quotidienne parce que j'ai toujours mon appareil avec moi. Puis je prends les photos soit en passage pour aller au travail, aller à mon atelier tous les jours, ou parfois quand j'ai le moment puis je vois que la lumière est vraiment bien, je flâne, je balade, puis j'essaie de prendre les photos d'une façon plus intensive là. Donc, mais je cherche beaucoup les débuts et fins de journée quand on a cette lumière qui est vraiment du côté. Donc ça donne beaucoup de volume à l'architecture, puis ça donne un éclairage intéressant sur les passants dans la rue aussi là. Oui, parce qu'il faut le dire, les motifs, les images qu'on retrouve dans tes œuvres, ce sont des images qui sont tirées de paysages urbains. L'exposition s'appelle Spin Plaza. Spin, je ne sais pas pourquoi, mais Plaza, on le devine parce que souvent, ce sont des lieux, des places publiques, des parcs, des lieux de rencontres comme ça. Pourquoi tu as envie de t'attarder à ces lieux-là? Parce que je suis vraiment une fille de ville. J'adore les grandes villes. Mais dans les villes, je suis toujours en train de chercher le lieu commun, une place publique où les gens flânent un peu, ou les parcs où les gens sont plus détendus, mm-hmm. un peu les poumons de la ville, un peu de verdure, qui fait un moment de repos dans les grands cosmopolitains, les grands lieux là. Donc c'est beaucoup ça, ces images, ils ont presque toujours deux lieux qui sont mélangés ensemble. Puis on voit la ville qui est plus dense et plus intense, qui est découpée par les places publiques ou les parcs. Mm-hmm. Et donc on parle de grandes métropoles. Est-ce que tu peux nous parler de quelle ville on retrouve dans ces œuvres-là, dans l'exposition Spin Plaza à la Galleria? C'est beaucoup la ville de Madrid en Espagne, mm-hmm. où j'ai fait un séjour de un an et plusieurs autres séjours plus courts. Puis, bon, j'étais beaucoup inspirée par la ville, les gens, l'architecture là-bas. Mais la chose qui m'a beaucoup inspirée, c'est qu'il y a finalement énormément de verdure à Madrid, même si c'est une ville qui est assez pollué, puis très grand, très dense. Mais il y a le Casa do Campo, qui est l'ancien terrain de chasse du roi, qui est à peu près 10 fois plus grand que le parc central à New York. Puis c'est vraiment à côté sur le centre-ville. Donc ça, avec toutes les places publiques, tous les autres parcs et promenades, il y a une promenade qui a été faite par l'architecte paysagiste Adrien Goes, qui vient plutôt de le nord d'Europe. Puis c'est une promenade qui on peut comparer peut-être un petit peu à la promenade qui est sur la rivière Saint-Charles ici, mm-hmm, mm-hmm. sauf qu'il est beaucoup plus vaste. Puis il est beaucoup plus riche, il est beaucoup dans les espèces de spirales et les tournes. Puis ça, ça m'a beaucoup inspirée parce que quand je suis partie à Madrid, je travaillais dans les images en collage qui étaient plus géométriques. Puis on dirait à la force de me promener à bicyclette puis à pied sur la Madrid Rio que Gueuze a faite, j'ai commencé à faire ce lico-bourg dans mes organique. Images. C'est ça. Mm-hmm. Puis le mot spin, ça vient de ça parce que mon travail, il est très lent en termes de recherche. Puis ensuite, le facteur de peinture prend beaucoup de place dans l'image. Oui. Puis c'est une peinture qui est assez réaliste quand même. Donc, quand je découpe mes collages, c'est un moment spontané. Puis c'est comme si je faisais les spins avec mes ciseaux comme on ferait sur les patins ou sur une skate. Mmh. Mais il y a aussi une référence de les moyens de se déplacer en ville. Donc, les trottinettes, les bicyclettes, les planches à skate. Donc, il y a les deux sens dans le mot. Oui, donc des moyens de transport à petite échelle sur roulette qui nous permettent justement de former des parcours plus organiques qu'on ne le ferait en voiture ou à pied ou quand le parcours est très très très encadré. Donc tes œuvres sont composées de deux, trois, quatre scènes urbaines qui ont été découpées, assemblées et tu parlais de ta façon de découper pour faire des collages. Donc tu fais des collages d'abord et ensuite tu les reproduis en peinture, c'est ça? En fait, il y a plusieurs étapes. Mm-hmm. Je fais un collage d'abord avec du papier vraiment cheap. Ensuite, je le refais en numérique. Donc, ça veut dire que je suis capable d'imprimer une image sur papier ou sur la toile qui est un fragment de qu'est-ce qui va devenir le tableau entier. Mais ce fragment-là, vu qu'il y a un collage de deux images, on n'a pas de collage 3D. Oui. Si c'est vraiment fait en numérique et mm-hmm. imprimé. Mm-hmm. Ensuite, je retravaille beaucoup le bord. Des fois, je rajoute les personnages par-dessus. Puis, j'essaie de créer une espèce de contraste entre la photo puis la peinture qui est parfois plus spontanée. Oui. Donc, pour représenter un petit peu ce contraste entre la vraie vie puis la songe ou les rêves, oui, le rêve, les désirs, l'imagination. Les mm-hmm. mémoires aussi. Oui. Hein? Tout le monde porte une bagage en ville. Hein? On est souvent mm-hmm. les gens qui viennent d'ailleurs, puis on apporte les fragments de qu'est-ce qu'on a vécu dans une autre ville. Oui, la fragmentation qui est vraiment une partie prenante de ta pratique. Et quelque chose aussi qui revient beaucoup, beaucoup, c'est le travail en monochrome, le noir et blanc avec des couleurs, des noirs et blancs colorés, je dirais. Et puis, on voit dans ce corpus-là également où tu y vas en polychrome, là, tu vas plus près des couleurs de la réalité. Comment t'en es arrivé à ça? En fait, les œuvres qu'on voit en polychrome ici, oui. sur tous ces deux-là, mm-hmm. j'ai fait à mon retour à Madrid en 2017, quand j'ai eu une résidence avec Intercambiador à Madrid. Mm-hmm. Donc, j'avais un projet, je suis arrivée avec, j'ai continué de photographier là-bas. Puis, c'était quelque chose qui était, malgré que j'ai travaillé à partir de mes propres photographies en collage, je les ai complètement peints à main. Donc, il y a un côté photoréaliste, mais les espaces sont complètement ludiques oui. et farfelus, oui. là. Mm-hmm. Puis, c'était un travail que j'ai fait sur les grands morceaux de Tyvek que j'ai pu ensuite rouler puis rapporter facilement mm-hmm. dans l'avion. Donc, c'était un travail superbe pour faire là-bas. C'était très, très détaillé, très intense, mais beaucoup de plaisir. Hein? Oui, ben beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, là, parce que pour aller chercher un quasi-photoréalisme comme tu le fais, Tania Morand, il y a un investissement de temps incroyable. Oui, mais ça vient aussi de mon expérience, puis ça vient aussi de mon intérêt pour la lumière, tu sais, aller peindre comme Edward Hopper, que j'admire beaucoup, mm-hmm, là. Mm-hmm. Donc ça m'a beaucoup influencée, puis c'est mon travail, hein, j'adore faire ça, même si c'est très long, puis ça prend beaucoup de patience, c'est ma passion, hein. Oui. Alors, c'est à découvrir, le vernissage, c'est demain à 17h à la Galerie A, donc l'exposition Spin Plaza. La galerie A, c'est sur la rue de la Barricade, là, collée sur le Musée de la Civilisation. Merci beaucoup, Tania Morand, d'être venue. Oui. Une dernière chose que je voulais dire, c'est que samedi, entre 4 et 5 heures, à la galerie, je vais faire une présentation, sur 35 ans de travail, une survol. Parfait. Donc, je vous invite tout le monde. Donc, vernissage demain, jeudi, de 17h à 21h, et conférence de Tania Morand, samedi, le 11 mai, de 16h à 17h. Et nous, on part en pause publicitaire. Merci beaucoup. CKRL. Communication, culture. Vous avez le goût de faire de la radio, de partager vos connaissances ou vos découvertes musicales avec nos auditeurs? Proposez votre projet d'émission à CKRL pour la saison estivale ou la saison automne-hiver 2019-2020. Comment faire? Rendez-vous sur ckrl.qc.ca et remplissez le formulaire en ligne. Faire partie de l'équipe de bénévoles de CKRL, c'est faire partie de la plus ancienne radio communautaire francophone au monde. Tentez votre chance. Vous avez jusqu'au 14 mai pour la saison estivale et jusqu'au 2 août pour la saison automne-hiver 2019-2020. Hey, est-ce qu'on va au cinéma? Acheter des livres? La nouvelle succursale de la librairie Pantoute se situe en plein cœur du cinéma Le Clap à Loretteville. Entrez gratuitement et à tout moment pour découvrir nos suggestions et nos nouveautés. On y trouve même un espace jeunesse pour éveiller l'esprit et l'imagination des enfants. La librairie Pantoute, une librairie indépendante, des libraires passionnés et plus de 50 000 titres à vous proposer. Lisez dans le Vieux-Québec, à Saint-Roch et désormais à Loretteville, au 108-85 Boulevard de l'Ormière. Le 35e Festival international de musique actuelle de Victoriaville se tiendra du 16 au 19 mai 2019. Au programme, Peggy Lee, Peter Bratzman, Heather Lee, KG Hino, More Mother avec Roscoe Mitchell, Seniawa, The X et bien plus encore. Soyez des nôtres pour 4 jours de concerts, un circuit d'installation sonore dans l'espace public, 2 programmes de courts-métrages expérimentaux et une exposition d'art visuel. Du 16 au 19 mai 2019, venez vivre l'expérience du 35e FIMAV. Pour plus d'informations ou pour acheter des billets, visitez le fimav.qc.ca. Je me suis réveillée, toute seule dans mon appartement. À côté de moi, dans les draps, mon ordi. J'ai regardé l'écran. Je me suis vue, allongée dans la white room. Je dormais. Il y avait du vent autour, les vagues, le sable. Il y avait l'empreinte de ton corps dans le lit. Je me suis réveillée dans la white room. J'ai regardé derrière moi. Et là, je me suis vue, de l'autre côté de l'écran. Je t'ai trouvé dans mon regard. Dans mon regard. White Room d'Alexandra Badea, présenté par les finissants du Conservatoire d'art dramatique de Québec, dans une mise en scène de Jocelyn Pelletier, du 5 au 10 mai, au Théâtre du Conservatoire. Réservation au 418-643-9833. Vous aimez les groupes Logic et Lil Pump? I don't wanna be alive. Du 8 au 17 mai, commentez la page Facebook de CKRL et dites-nous avec qui vous voulez venir voir le concert de Logic et Lil Pump au FEC. Courez la chance de gagner 2 cartes zone avant-scène pour le spectacle du 12 juillet. Tirage au hasard parmi les participants. Les gagnants seront dévoilés le 21 mai 17h30 en ouverture de l'émission Sortie culturelle en direct de la Corrigan. Alors, c'était le rire de Sophie Lessard-Latendresse qu'on entendait bien subtilement comme ça à l'ouverture du micro. Bonsoir, Sophie. Bonsoir, Jean-Tiane. Et il y a également Delphine Gasbar qui est là ici avec nous en studio. Bonsoir. Bonsoir, Jean-Tiane. Vous allez bien, les filles? Ça va très bien. Oui, mais... ça va bien, toi, oui? ça va bien. Sophie Lessard-Latendresse, tu avais envie de nous parler de l'exposition de Lauréa Marois qui va débuter la fin de semaine prochaine à la Galerie Michel Guimond. Oui, exactement. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le travail de Lauréa Marois. Il m'était quasiment inconnu. Là, c'est un beau travail à découvrir. Oui, moi aussi, il m'était inconnu. Puis c'est pour cette raison-là que je voulais prendre quelques minutes là, pour... On va le faire découvrir à tout le monde, oui, comme ça, au micro. Pour couvrir son travail. Donc, puis pour vous inviter aussi au vernissage l'exposition de nature et d'infini qui va avoir lieu à la Galerie Michel Guimond. Le vernissage est dimanche et l'exposition va être jusqu'au 9 juin prochain. Lauréa Marois, que je ne connaissais pas non plus et que j'ai eu la grande surprise de découvrir à la galerie. Monsieur Marois, qui est donc professeur à l'Université du Québec à Chicoutimi puis à l'Université Laval, qu'on a connu en fait à partir là, vraiment des années 1970 parce qu'il pratiquait exclusivement... l'art de la sérigraphie. Okay. Puis par la suite, il a vraiment voulu donc se consacrer davantage à la peinture, au dessin et à l'art public. Donc, il fait aussi d'art public. Ouais, du 1%. Mm-hmm. Plus d'une quinzaine d'œuvres donc qui a été produit pour dans le cadre de la politique d'intégration de l'art à l'architecture. Lauréa Marois, effectivement, comme tu l'as nommé, Gentiane, c'est quelqu'un que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu dans la sphère publique. Ça fait plus d'une dizaine d'années qu'il n'a pas exposé. Et je discutais avec M. Guimond, puis il me disait qu'il était allé à la Maison Longue, donc où est l'atelier de M. Marois, puis il a vu donc un mur rempli de petites œuvres et il a eu un coup de cœur. Ça a été vraiment un choix émotif pour M. Guimond. J'imagine donc même par la finesse en fait du travail de Monsieur Marois et Monsieur Guimond l'a appelé deux jours plus tard pour lui proposer donc de faire une exposition solo. Donc c'est un grand retour pour Monsieur Marois dans la sphère publique. Et on retourne quand même, comme ça fait longtemps, on retourne quand même assez loin dans sa pratique. Là. Oui, effectivement, je regardais donc les corpus d'œuvres qui vont être présentés lors de l'exposition, puis on part quand même des années 1994. Mon Dieu. Oui. Donc, des années. On n'était pas grands, nous autres, en 94. Je me suis dit. On grandissait encore. Alors, 1994, avec la série des Clairs Obscurs. Ce qui est une série intéressante qui nous fait penser un petit peu à un herbier. Ce sont en fait 49 séquences réalisées dans des petits formats. Et le fil conducteur de la pratique de M. Marois, c'est vraiment la nature. Oui. Donc, la nature avec une recherche un peu plus philosophique. Toujours, je trouve dans sa pratique alliant la figuration et l'abstraction pour qu'on puisse vraiment être dans une ambivalence. On reconnaît des éléments de la nature, mais c'est pas toujours clair. Puis un travail sur le médium aussi, oui. Très intéressant. Moi, ses dessins sont très raffinés. Ouais, moi c'est vraiment ce qui m'a accroché beaucoup dans l'œuvre de Lauréa Marois, c'est la finesse en fait là, de son travail, ses dessins, les détails, les heures qu'il doit mettre pour la réalisation de ses œuvres, ça doit être exponentiel, mais c'est effectivement un travail de moine qu'il fait. Il utilise le dessin, le collage également, la gouache, l'acrylique aussi. Puis c'est ce qu'on peut voir vraiment dans sa série des clairs obscurs. Par la suite, il va y avoir la série aussi des coquillages qui va être présentée, qui est une série qui a débuté en 2009, qui a terminé en 2013. Mm-hmm. Série donc qu'on regardait là avant le. Oui, c'est avant ça. Qu'on passe au micro, des espèces de mandalas, ça ressemble un peu à un soleil. Oui, effectivement, ouais. C'est une forme qui est un peu pour moi. comme cristallisé, comme un peu un fossile. Oui. J'aime beaucoup que tu dises méditation. Oui, effectivement, une forme qui peut ressembler au mandala, mais qui joue beaucoup dans la valeur chromatique. Donc, c'est toujours la même... déclinaison. Exactement. Ça, c'est comme une espèce de gaufrage, parce qu'on voit, du volume sur ces œuvres-là. Ben, je suis d'accord avec toi, mais non, c'est de la peinture, il me semble. Okay. Donc, pour moi, ça va vraiment aussi dans le... Ça représente bien ce travail. Il y a comme un trompe-l'œil. Exactement, oui. Et c'est vraiment donc dans une recherche de couleurs, mais l'image, donc, est la même. C'est sept séquences donc qui sont représentées de cette image là et les couleurs donc sont changeantes. Puis par la suite donc la dernière série qui va être présentée lors de l'exposition, c'est Forêt et conifères qui a été réalisée donc lors de 3 séjours successifs au centre Sagami. Donc là on est dans l'ambiance, dans la lumière, dans le touffu de la forêt dans cette série là. Oui, moi c'est beaucoup j'ai regardé ces œuvres donc sur internet, puis pour moi c'est vraiment l'émotion intense des fois qu'on peut ressentir lorsqu'on va en forêt. Ce sont donc des épreuves, 3 impressions en fait numériques qui vont venir compléter l'exposition. Puis ce sont 3 œuvres donc qui retiennent le regard, qui vont nous refaire vivre en un instant précis une émotion vraiment intense là, lorsqu'on est en contact avec la nature, lorsqu'on peut se promener puis qu'on est vraiment submergé là par les arbres. Donc pour moi ça a été... En fait, ça a été un travail que j'ai découvert et que j'ai hâte de découvrir en vrai. Dimanche après-midi. Oui, effectivement. Pour toute donc ben la finesse de son travail, les différents médiums qu'il maîtrise à la perfection, parce que c'est un artiste que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu dans la sphère publique. C'est intéressant aussi pour moi de revisiter la thématique de la nature. C'est une thématique en art qui est très très vieille, et pourtant il le fait avec une touche de modernité dans un contexte où la nature, on essaie qu'elle prenne de plus en plus de place avec l'environnement. Donc pour moi c'est intéressant de retrouver ce travail là exposé dans une galerie, puis revisiter aussi pour moi, c'est des œuvres qui parlent beaucoup aussi de l'Orient, en fait, pour la touche très émotionnelle, peut-être, en fait, par certains matériaux qu'il utilise, qui sont sensibles. Je pense... Une belle sensibilité contemplative aussi. Oui, exactement. Oui, c'est bien dit, effectivement, la contemplation qui est très présente. Je pense à une œuvre qui est notamment sur le carton d'invitation, mais qui est un arbre qui est représenté. Mais j'ai eu la chance de voir cette œuvre d'art-là en vrai, puis c'est un travail de finesse, parce que c'est du collage, c'est des fines couches qui sont apposées dans différentes variantes de blanc. Ce sont effectivement des œuvres où on peut méditer sur le thème de la nature, mais aussi sur le travail de Monsieur Marois. Mais en tout cas, ça me donne très très hâte d'aller voir cette exposition là. Le vernissage c'est dimanche de midi à 17h. De 1h. De 13h à 17h. De 13h à 17h. N'arrivez pas là midi, ne m'écoutez pas, vous allez vous cogner le nez sur la porte à la galerie Michel Guimond. Oui. Merci beaucoup Sophie Lessard, la tendresse. Et nous, on va prendre une petite pause musicale et au retour, c'est Delphine Egesbar qui nous parle de ce qui se passe à vue. Come on. Alors, c'était un extrait de la pièce Leila, toujours du groupe Altingun, un groupe composé de descendants et d'immigrants turcs qui est basé aux Pays-Bas. Donc, trêve de musique. Bonsoir, Delphine. Bonsoir, Jeanne. Alors, Delphine et Gasbar, t'es allée voir les expositions qui ont actuellement cours à vue. Deux expositions très différentes et très similaires à la fois. Il y a vraiment des belles atomes crochus entre les deux expos. Hein? Tout à fait. C'est vraiment intéressant là, d'opérer le passage l'une des galeries vers l'autre parce qu'effectivement, il y a cette idée de la surcharge puis de l'abondance, je trouve, qu'il se déploie vraiment dans les deux espaces, mais l'ambiance est complètement différente. Quand on commence par la proposition du duo Chromogenic Chromajohns, qui est formé de Evergun et Jean-Jacques Ringuette, deux photographes qui travaillent plus intensément ensemble depuis 2015, avec l'exposition Two Old Friends Play Chess. C'est une exposition où on est vraiment devant une série de conversations, je trouve. Oui. Dans chacune des photographies, on se retrouve devant des espaces qui sont très surchargés, où il y a une panoplie d'objets, de matières, de formes. C'est des espaces qui sont très complexes, qui ont besoin d'une observation beaucoup plus attentive, plus analytique. On comprend pas l'espace au premier abord, parce qu'ils utilisent aussi des surfaces de verre. Exact. Pour déposer les objets. Donc, il y a plusieurs niveaux qui se dessinent dans l'espace, puis ça prend vraiment un certain temps avant de comprendre. Ben, non seulement, oui, effectivement, des surfaces transparentes qui viennent multiplier les couches, les strates où on retrouve des objets, mais en plus, plus on les observe, on remarque aussi qu'il y a des miroirs qui sont impliqués, qu'il y a des surfaces réfléchissantes aussi, donc il y a des éléments qui sont multipliés, doublés, parfois déformés. C'est vraiment très complexe, puis c'est là aussi où on voit toute la maîtrise du médium photographique aussi de ces deux artistes-là, qui créent vraiment des vitrines ou des displays, là, comme le mentionnait Bernard Lamarche dans l'essai qui accompagnait les expositions. Il parlait vraiment de vitrines d'ensemble qui sont données à la caméra, vraiment des ensembles qui sont donnés au regard. Et je parlais justement de ces images-là qui se donnent presque comme une conversation, parce qu'on sent que chaque élément est très minutieusement placé. Mais c'est comme dans le titre, il joue aux échecs. Exactement, comme s'il y avait une série de manipulations, de gestes, d'échanges entre ces deux photographes-là qui se connaissent, je pense, depuis quelques décennies, si je me trompe pas. J'imagine. Il y a comme ces manipulations-là qui se déploient avec des objets qui sont très variés, mais qu'on sent qu'ils ont une portée symbolique ou une charge émotive, peut-être, pour ces deux artistes-là. Et juste pour vous donner une idée, peut-être, de la diversité d'objets là, qu'on retrouve. Il y a à la fois des éléments plutôt naturels, comme des coquillages, des organismes marins, il y a des animaux naturalisés, mais il y a aussi plusieurs figurines, vraiment des personnages, des peluches qui se retrouvent parmi ces éléments-là. Et c'est comme si on voyait à certains moments un conte presque se déployer devant nous. Il y a vraiment une narrativité qui... Oui, mais c'est, on passe d'un élément à l'autre puis on s'invente une histoire au final. Oui, vraiment. Et puis je trouve que c'est quelque chose qui devient comme très manifeste, mais il y a comme un sens qui nous échappe toujours. On sent qu'on est quand même mis un peu à distance de cette conversation-là. Mais... Et quand même, il y a certaines œuvres aussi qui font un peu bande à part, où il y a vraiment une exploration qui bascule presque dans l'univers de l'abstraction, avec un jeu de formes, de couleurs, d'effets visuels, de brillance, aussi avec certaines images où le format paysage est renversé en format portrait, ce qui déjoue complètement notre compréhension des images. Déjà, on a de la difficulté à comprendre, puis là, ils jouent un peu avec nous. Puis il y a aussi des éclairages colorés aussi qui viennent donner des ambiances clair-obscur, un peu glauque, quasiment un film de série B, là, parfois. En fait, c'est assez intéressant que tu attires l'attention sur les jeux d'éclairage, parce que à certains moments, on se retrouve des fois devant deux photographies qui sont délibérément placées à proximité, où on voit que les éléments sont presque identiques, mais où on voit que certaines modifications qui ont été faites dans l'assemblage, quelques angles, puis où on se retrouve finalement devant deux images qui sont assez différentes, mais où on voit cette séquence de gestes-là aussi qui devient très, très manifeste. Oui. Donc, on voit les déplacements. On peut, en comparant, on peut voir les déplacements des différents objets qui composent des natures mortes, dans le fond. Oui, l'univers de la nature morte puis du cabinet de curiosité, je trouve qu'ils se rejoignent vraiment. Mm-hmm. Puis quand on regarde le travail des dernières années de ce duo de photographes, on voit que la nature morte, l'univers de la nature morte est assez important dans leur travail, finalement, déjà depuis 2015, finalement. Mm-hmm. Et dans l'espace européen, c'est une toute jeune artiste, Leila Mestari, qui présente l'exposition position main sur coude A. Oui. et qui, on dirait, attire l'attention sur cette idée de gestes encore, ou d'une série de manipulations encore, parce que quand on entre dans la salle, bien encore une fois, on est placé devant une surcharge ou une abondance, mais qui se déploie du plancher au plafond. Oui, là, dans l'installatif, là. Absolument. Parce qu'il faut jeter un œil au plafond. Absolument, il faut regarder au plafond, et il y a même des éléments qui envahissent le mur de maçonnerie, et plus on observe en détail cet espace-là, qui est très coloré, très foisonnant, ben on s'aperçoit que finalement, au cœur des motifs, des formes qu'on voit apparaître, des sculptures aussi, eh bien, il y a le corps qui est omniprésent. Oui, des fragments de corps. On retrouve des espèces de cubes formés de mamelons. C'est un peu dérangeant. Il y a quelque chose qui vient nous rejoindre dans notre propre corps. Mais oui, absolument. Puis ce qui est assez fascinant dans le travail de Leila Mestari, c'est qu'à la fois, on est placé devant des fragments de corps, probablement certains fragments de son propre corps. On est très proche de ça, et en même temps, parce qu'il est déconstruit, qu'il est fragmenté, morcelé et reconstruit en motif par une séquence, une répétition, finalement, on est placé à distance aussi du caractère intime du corps. Et tout à coup, c'est comme si on bascule plus dans l'univers du jeu, puis il y a cette mise à distance-là, très pudique, qui est faite du corps aussi. Ah ouais. Mais c'est une exposition qui est très ludique. Tu parles de jeu, parce qu'il n'y a pas seulement que des photographies. Les photographies sont présentées de manière installative, mais il y a aussi des éléments sculpturaux, très graphiques, très design. Exactement, là. Presque comme si des éléments graphiques étaient déployés en trois dimensions. Et il y a des échos entre les éléments, les lignes brisées, les diagonales créées de manière sculpturale, qui sont placées au sol, par exemple. Il y a des éléments linéaires, très courbes, très ondulatoires, qui sont presque accrochés au mur. Et sur un des murs, il y a une mosaïque, finalement, qui est placée sur l'ensemble du mur. Mais le motif est créé par des bras, finalement, les coudes, avec l'angle du bras qui est répété à profusion. D'où le titre « Main sur coude A ». Oui, j'imagine. Peut-être qu'il s'inscrit vraiment mais, dans cette mais c'est intéressant parce que dans ce titre-là, il y a de la fragmentation de cette espèce de... c'est une phrase qui fait pas de sens, là. Parce que c'est comme des mots qui sont rassemblés ensemble, comme ça, pas dans le bon ordre. Oui, ou comme l'idée d'un fragment justement isolé du corps, ouais. Puis de ce fragment-là qu'on pourrait répéter à plusieurs reprises. Cet aspect ludique, bon, il est évoqué par la couleur, mais aussi par l'espèce de jeu de cherche-et-trouve dans lequel elle nous amène aussi presque instantanément quand on entre. Parce que tu parlais des interventions sur la maçonnerie du foyer, elles sont très, très subtiles. On ne les voit pas tout de suite. Non, pas du c'est tout. C'est des petites mèches de cheveux, de perruques, des pailles qui sont insérées dans des petits trous, des petits traits de craie. Et le jouer aussi dans l'espace, le sas, entre les deux galeries, je ne sais pas si tu as vu. J'ai vu qu'il y avait des œuvres en liberté, mais malheureusement, non, je les ai pas vues, celles-là, mais je suis contente que tu puisses m'en parler. C'est des reproductions autocollantes de tape à peinture vert, là, tu sais, du masking tape vert. Là. Donc, c'est pas du masking tape, c'est comme une photographie de masking tape autocollant découpé de la forme de la pièce de masking tape. Donc, elle joue avec nous. C'est vraiment un jeu ludique qui nous amène à participer puis à jouer cette exposition-là de Leila Mestari. Puis c'est intéressant que tu amènes cet élément-là aussi parce que l'univers du bricot, du collage, il est beaucoup aussi dans son univers visuel, des fragments de papier déchirés, découpés, des actions aussi qu'elle pose sur ses photographies. Et là, on en voit définitivement un écho là, jusque... dans cet espace-là. Bien, merci beaucoup, Delphine Guesbar. Ça m'a fait plaisir, merci. Donc, les deux expositions sont présentées à vue jusqu'au 9 juin, l'exposition Main sur coude de Leila Mestari, de Leila Mestari dans la petite galerie L'Espace européen et Two Old Friends Play Chess de Chromogenic Chromogenes. Ça veut dire les grincheux chromogènes, c'est plus facile à dire. Donc, c'est à vue jusqu'au 9 juin. Et nous, on va partir avec une petite pause musicale avec toujours une pièce de Altingen. Et au retour, je vous parle de ce qui se passe cette semaine dans les arts visuels. Alors, l'aérospatiale termine toujours avec l'agenda de la semaine. Donc, ce soir, c'est en cours. Il y a le vernissage de l'exposition œuvre collective du Vieux-Québec au Morin Center. C'est à partir de 17h30. Claire Dumoulin avait reçu en entrevue là, pour parler de cette exposition-là il y a quelques mois. Également, demain, jeudi, il va y avoir les présentations de résidence de Jeanne Couture et Stéphanie Requin-Tremblay à la Chambre Blanche à partir de 17h. Tania Morand, qu'on a reçu tout à l'heure, son vernissage, c'est demain. C'est Spin Plaza à la Galleria à partir de 17h. Et du côté de Regard, c'est l'Encan, leur événement bénéfice bisannuel. L'inscription commence à 18h et à 19h, l'enchère commence. Vendredi, c'est à Materia que ça se passe. C'est le vernissage de l'abstraction dans le jacquard avec comme commissaire Jeanne Couture. Et c'est à partir de 17h au Centre Materia vendredi. Samedi, le 11 mai, il va y avoir le lancement de Espace Art Actuel, le numéro 122. C'est à l'ENAP et il va y avoir pour l'occasion, Jean-Pierre Reynaud, qui va venir nous parler de la reconstruction de sa fameuse œuvre qui a été reconstruite là, après sa destruction. Il va y avoir également le grand bazar de la Maison des métiers d'art de Québec, toujours samedi à partir de 10h, et un dimanche très occupé pour les arts visuels à Québec, avec le vernissage de l'exposition de Lauréat Marois à la Galerie Michel Guimond de 13h à 17h. Également, vous êtes invité à aller rencontrer Dany Massicotte à la bibliothèque Claire Martin à partir de 14h. Et il va y avoir, dans le cadre des films sur l'art au Musée national des Beaux-Arts du Québec, la projection d'un documentaire sur Diego Velázquez. Et c'est la dernière semaine pour aller voir Mirage Blanc au musée et à la Villa Bagatelle pour Manif d'art. Et on saute tout de suite sur Situation critique. Bonsoir Pierre Blais. Et bonsoir. J'ai entendu dire que vous allez parler de la dernière saison de Game of Thrones avec Anne-Josée Cameron, oui, qui change de micro. Ben, qui est à Radio-Canada, oui, habituellement, mais tu sais qu'il a déjà travaillé ici à CKRL avec, j'imagine, moi d'ailleurs. Ah, hein, oui, ben, hein. Je lui ai tout appris. Et, et Anne-Josée, l'intérêt, c'est qu'elle est une fan de Game of Thrones. Ben, il y en a beaucoup des fans de Game of Thrones, oui, mais mille, autant des livres que de la série. Donc, elle a lu les livres, oh, wow, elle s'est farci les briques. Okay. Okay. Et la série n'est pas terminée en livre. On nous promet une conclusion qui peut-être sera différente de la série, mais on va parler avec elle. Est-ce que la toute dernière saison télé de Game of Thrones est à la hauteur des attentes? Alors, rendez-vous dans une minute. Hey, est-ce qu'on va au cinéma? Acheter des livres? La nouvelle succursale de la librairie Pantoute se situe en plein cœur du cinéma Le Clap à Loretteville. Entrez gratuitement et à tout moment pour découvrir nos suggestions et nos nouveautés. On y trouve même un espace jeunesse pour éveiller l'esprit et l'imagination des enfants. La librairie Pantoute, une librairie indépendante, des libraires passionnés et plus de 50 000 titres à vous proposer. Lisez dans le Vieux-Québec, à Saint-Roch et désormais à Loretteville, au 108-85 Boulevard de l'Ormière. Situation critique vous est présentée par le cinéma Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. Achetez votre carte Abonne Clap pour profiter d'une année cinématographique exceptionnelle. Consultez leclap.qc.ca.